Les mass médias et en page internet de divers pays du monde, surtout la Syrie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, le Japon, la Russie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Afrique du Sud, ont rapporté du 8 au 11 courant, en test intégral ou en résumé, la déclaration du porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée sur la position résolue de notre République d'éliminer sans pitié la manie hystérique de guerre des États-Unis par la puissance militaire, la déclaration du porte-parole des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée et le faire-part de Kim Dak-yeom, commandant des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée, qui a averti sérieusement de livrer aux États-Unis l'exertion militaire réelle.